A sentimental fool am I to hear an old love song and wanna cry, but the melody keeps haunting me, reminding me how in love we used to be. I keep hearing the part that used to touch my heart, saying together forever, breaking up never. Ah, it's the same old song, but with a different meaning since you've been gone. It's the same, same old song, but with a different meaning since you've been gone. You're sweet as a honeybee, but like a honeybee stings. You gotta let my heart in pain. All you left is a favorite song. Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Et comme chaque semaine, nous avons un album fil rouge et cette semaine, je peux vous promettre que l'émission va être soul, puisque notre album fil rouge, c'est le dernier album de Rod Stewart, Soul Book. Rod Stewart qui a toujours été un grand amateur de soul music, il l'a déjà prouvé par le passé, puisque il a enregistré dans les années 80, fin des années 80, un album avec qui comportait un duo avec les Isley Brothers. Il a déjà enregistré deux albums hommage à la Motown et son nouvel album Soul Book rend hommage au grand standard de la soul music. On vient de l'entendre avec une reprise de It's the Same Old Songs des Four Tops. On le retrouve tout de suite pour une reprise de My Sherry Amour, une chanson de Stevie Wonder, Et d'ailleurs, c'est un duo avec le maître himself, Stevie Wonder et Rod Stewart. Ma chérie et amour, Rod Stewart est l'invité de ce Solid Gold numéro 271. C'est parti. My chérie, amour, lovely as a summer day. My chérie, amour, distant as the Milky Way. My chérie, amour, pretty little one that I adore. You're the only me in your arms, and darling, kiss me like all. every day for the rest of my life. All I want is a one-night affair. Oh, I got to have. Oh, I'll hit and run from the son of a gun. I'll hit and run. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I'll grind and dine it. Take you anywhere you wanna go. And when the night is over, I don't wanna see you no more. All I want is a one-night affair. Oh, let me have it. Oh, I'll hit and run from the sun of a gun. I'll hit and run. Yes, I will. Yes, I will. Oh, I'll never let you under my skin, 'cause I don't. Les OJs dans Solid Gold avec One Night Affair, et puis juste avant, le mythique groupe The Shirelles avec It's Love That Really Counts. Rod Stewart, c'est l'invité de Solid Gold ce soir. Rod Stewart, on ne le présente plus, c'est une légende du rock et de la pop. Et dans son dernier album qui s'appelle Soul Book, il rend hommage aux grands de la soul music. Une musique qu'il a toujours appréciée et aimée passionnément. Il reprend dans le morceau qu'on va écouter maintenant, You Make Me Feel Brand New, une chanson de 1973 d'un groupe qui s'appelait The Barren Knights, chanson écrite par Tom Bell, un grand, grand compositeur de soul. Et puis ensuite, on aura dans un autre genre, car c'est ça aussi, Solid Gold, Barbara Streisand, Miss Barbara Streisand avec My Father's Song. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain precious love. You held my life within your hand. Created everything I am. Taught me how to live again. My love, whenever I me up and made me sure you gave my pride. Someone who I can depend on, to walk a path that sometimes bends. Oh, yeah. Without you, life has no meaning or rhyme. No rhyme. Like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? These are the words I heard my father say. think you've heard this before. I'll try and say it differently, as long as it comes naturally to me. It's been making me sad, 'cause I can't find a better way to speak the words I wanna say to you. I know how I love you, I know how I need you, that I want you to know I won't let you down. No, I can't let go, and I want you to see every day I wear my heart on my sleeve, on my sleeve. It's been driving me mad, consistent tones and constant drones keep pulling me back inside my head. Nothing matters at all, the world will keep on spinning around, all these feelings keep on pouring out. Oh, I love you, oh, I need you, that I want you to. Barbara Streisand avec My Father's Song, et à l'instant Michael Jones et Heart on My Sleeve, Solid Gold de la variété anglo-saxonne. Chaque semaine, vous êtes apporté sur un plateau d'argent. Les rockers ne vieillissent pas. Qui pourrait dire que cette année, Rod Stewart va fêter ses 65 ans? Et oui, déjà. Et c'est vrai que sur les photos, en tout cas, il a toujours l'air d'un jeune homme. Et il est toujours en forme et il le prouve avec cet album Soulbook, qui reprend des grands standards de la soul music, genre musical à laquelle, auquel il rend hommage. On va le retrouver tout de suite avec une reprise d'un géant de la soul music, Jackie Wilson. La chanson s'appelle Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher, et on aura la très jolie Valérie Dorr juste après. My desire right to be. Dans les années 70, c'était Andrew Gold avec Lonely Boy, et puis juste avant Valérie Dorr avec The Night. C'est Rod Stewart qui est notre invité ce soir dans Solid Gold avec son dernier album Soul Book qui vient de sortir, et il rend hommage à tous les grands de la soul music, et grâce à lui, eh bien, tous les grands de la soul music sont là. Mais ils sont là quand même, hein, les grands de la soul, on va pas se priver de les écouter. Tout de suite, Rod Stewart reprend Tracks of My Tears, une chanson, un grand succès de Smokey Robinson and the Miracles. Et puis parmi les grands de la soul, il y avait dans les années 60 Dinah Ross and the Supremes, et puis aussi Sly and Family Stone dans les années 70. People say I'm the life of the party, 'cause I tell a joke or two. Although I might be laughing loud and hearty, deep inside I'm blue. So take a good look at my face, you'll see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Ooh, I need you, need you. Since you left me in if you see me with another girl, seeming like I'm having some fun. Having some fun. Although she may be cute, she's just a substitute, because you're the permanent one. So take a good look at my face. Ooh, you'll see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Since my breakup with you, baby, baby, baby, baby, baby, take a good look at my face. Yeah, you'll see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Tracks of my tears. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Memories that throw, bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love I feel inside. 'Cause each day that passes by, you got me never knowing if I'm coming or going. But I love you, so I haunt you, darling, as I weep for you. I love you. Tears inside start to fall down. Always with half a kiss, you remind me of what I miss. Though I try to control myself, like a fool I start feeling, 'cause my head starts spinning. 'Cause I love you, and it's so haunt you, darling, I love weep for you. I love you. Yes, I do. drug now. A drug, a drug, a drug is a drag. You be dragging. Drag. New one like the old one, but it's new. And the truth of the youth and the matter of fucking. You just count on Monday, navy blue. Organize. Organize. Énorme groupe de soul music des années 70, Sly and Family Stone avec Organize, et juste avant Diana Ross and the Supremes, This Old Heart of Mine. C'est une chanson des Isley Brothers à la base que Rod Stewart avait chantée dans les années 80, fin des années 80. Il avait enregistré cette chanson avec les Isley Brothers eux-mêmes. Rod Stewart, Soulbox, c'est son nouvel album. Et c'est l'album fil rouge de Solid Gold ce soir. L'extrait de cet album qu'on va écouter maintenant, c'est un petit peu particulier. C'est une chanson en duo avec Jennifer Hudson. C'est une chanson qui s'appelle Let It Be Me, qui est devenue, c'est un standard de la soul aux États-Unis. Et figurez-vous que Let It Be Me, eh bien, c'est une chanson de Gilbert Bécaud. Et oui, la chanson, la version originale s'appelle Je t'appartiens. Voici Rod Stewart et Jennifer Hudson avec Let It Be Me. Et puis dans les années 80, après, nous aurons Rita Coolidge. I blessed the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Oh, would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. You'll always let it be me. Each time what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you're a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. And I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over this world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. Look at it or think of it. It's life, and you just gotta play the game. Play the game. I find me a place in a boxcar. So I take my guitar to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Georgia, I feel like it's raining all over the world. Kinda lonely now, 'cause it's raining all over the world. It's raining, raining, raining, raining. Oh yeah. I'm cold and I'm lonely and it's raining. Raining on the earth. It's raining, raining, raining, raining all over the world. Un standard de la soul music, Rainy Night in Georgia. C'était Rod Stewart dans Solid Gold juste avant Rita Coolidge avec We Are All Alone. Rod Stewart, son nouvel album Soul Book, qui revisite les standards de la soul music. Rod Stewart, cet anglais qui s'est expatrié aux États-Unis à la fin des années 70 parce qu'il avait quelques problèmes avec les impôts, eh bien, il a bien rendu ce que les États-Unis lui ont donné, puisque depuis quelques années, tous ses albums consistent à rendre hommage à la musique américaine, l'American Songbook, comme on dit. On va le retrouver tout de suite avec une chanson, une reprise d'une chanson de Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted, qui est sur cet album. Et puis juste après, on aura Dionne Warwick avec As Long As There's an Apple Tree. C'était dans les années 60. As I walk this land of broken dreams, I have visions of many things, but happiness is just an illusion filled with sadness and confusion. the apple pie. And what is meant to be will be. Who teaches birds how to fly? Here in this world we're so few. Things that are constant and sure. Love that's faithful and true will go on forever. As long as there's an apple tree, there'll be apple pie. And what is meant to be will be. Who teaches birds how to fly? How many times have you looked? How it blooms and it grows. You just know that it's there. Like I know I love you. Who teaches birds how to fly? Come on. chaque semaine avec un bonheur et une gourmandise non dissimulée dans Solid Gold. On vous propose revisiter la variété anglo-saxonne dans toutes ses dimensions, qu'elle soit anglaise, américaine, australienne, européenne. Pourvu que ça chante en anglais, que ça soit des belles chansons et des grands artistes, il n'y a pas de raison, on vous les passe. J'ai l'impression de faire un peu Pascal Sevran, mais c'est pas grave. À l'instant, c'était Simon and Garfunkel avec l'un de leurs tubes, Cecilia, et juste avant Dionne Warwick dans les années 60, As Long As There's an Apple Tree. Nous avons un album fil rouge chaque semaine, un album que nous déroulons du premier au dernier titre, sauf quand il est trop grand, bien sûr. Cette semaine, c'est l'album de Rod Stewart, Soul Book, un album qui rend hommage à la soul music. Et là, le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est un énorme tube des années 70 par un groupe qui symbolise le Philadelphia Sound de la soul music. Chanson écrite par Kenny Gamble et Leon Huff, Love Train, une chanson du groupe Les OJs. Ah bah tiens, on les a entendus tout à l'heure, les OJs, quand je vous dis qu'ils sont là aussi, les grands, il n'y a pas que Rod Stewart. Ensuite, on aura un autre groupe atypique de soul des années 70, le groupe Fifth Dimension, avec une chanson de Burt Bacharach et Hal David, One Less Bell to Answer. Do is cry. Day now, any day now. Mm-hmm. deux chansons de Burt Bacharach coup sur coup dans Solid Gold. Eddie Kendricks à l'instant avec Any Day Now. Et juste avant, le groupe Fifth Dimension avec One Less Bell to Answer. You've Really Got a Hold on Me, c'est la chanson de Rod Stewart, extrait de son album Soulbook, qu'on va écouter maintenant. Et puis comme eh bien, les artistes de Soul sont là aussi, il y aura ensuite Viola Wills avec You're Out of My Mind. You What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load, a pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Ok, ce soir, notre album Fil Rouge, c'est un album plutôt de soul music, puisque c'est l'album de Rod Stewart, Soul Book. Mais on va pas quand même déroger à notre règle qui est de visiter un petit peu tous les genres et toutes les époques. Viola Wills avec You're Out of My Mind, et puis à l'instant le groupe Lovin' Spoonful et la chanson Daydream. Rod Stewart, c'est donc notre artiste fil rouge ce soir. On va retrouver un nouvel extrait de son album Soul Book. La chanson s'appelle Wonderful World. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous avez pu entendre la version originale de Sam Cooke la semaine dernière dans l'émission. Rod Stewart sera suivi par une lady du jazz actuel. Elle s'appelle Eliane Elias et elle reprend Call Me. I don't know much about history, don't know much about biology, don't know much about science books, don't know much about the French I took. All I do know is I love you, and I wonder if you love me too. Geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. About biology. you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be alone. If it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe it's because I love you. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be alone. If you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. If you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. She's waiting just anticipating for things that you never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Un des géants de la soul music dans Solid Gold, Otis Redding avec Try a Little Tenderness, l'une de ses plus grandes chansons. C'est Rod Stewart qui est notre invité fil rouge ce soir depuis le début de ce Solid Gold grâce à son album Soul Book, nouvel album qui vient de sortir et qui rend hommage au grand tube de la soul music. On va le retrouver tout de suite avec l'une des chansons les plus reprises de la soul music, If You Don't Know Me By Now, une chanson popularisée dans les années 70 par Harold Melvin and the Blue Notes. Et puis elle aussi, c'est une des papesses de la soul music des années 70, Thelma Houston, I Can't Go On Living Without Your Love. Ce sera juste après dans Solid Gold. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong, and I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss, and fight. Oh, Lord, Lord. You don't know me by now. You will never, never, never know me. No, you won't. No, you won't. If you don't know me, you will never, never, never know me. Ooh, ooh. Now listen, we've all got our own funny moves. I've got mine, And woman, I know you've got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together, or we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh, no, no. You don't know me. guitar after school, sipping on a coke, acted like a fool, cracking crazy jokes. She turned his motor on, man, his heart was gone. Fire down below, easy as you go, easy as you go, steady as you fly. Keep it in the road, keep an eagle eye, turn it on a dime. Man, you never know, take a little time. Whoa, whoa, whoa. Easy as you go. Graduation night, out behind the stands, in the fading light, he became a man. She discovered love, better be enough, 'cause baby's gonna grow. Easy as you go, easy as you go, steady as you fly. Keep it in the road, keep an eagle eye, turn it on a dime. Man, you never know, take a little time. Whoa, whoa, easy as you go. Judgmental frowns, teachers looking down, parents all shame, passing out the blame. They got a little room, service station view. The rent's too high, pay's too low. Oh, oh, easy as you go. Nothing like a daughter or a son to make a mama old and keep a daddy young. Make a body dream and give a life a thing. Take the highs and lows. Whoa, whoa, easy as you go. Easy as you go. C'était George Strait dans Solid Gold avec Easy As You Go, et juste avant, une papesse de la soul music, Thelma Houston, I Can't Go On Living Without Your Love. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur votre radio. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de variété anglo-saxonne. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur solidgold.mypodcast.com. Nous aurons la semaine prochaine un nouvel album fil rouge, comme l'était ce soir l'album de Rod Stewart, Soul Book, un album où Rod Stewart rend hommage aux standards de la soul music et aux grands artistes de la soul music. Le dernier extrait qu'on va écouter pour se quitter, c'est une reprise du groupe Les Temptations, mythique groupe de la Motown, comme tout à l'heure au début de l'émission il y avait une reprise des Four Tops. La chanson c'est Just My Imagination. On se retrouve la semaine prochaine, je vous laisse avec Rod Stewart. D'ici là, passez une belle nuit. Fête de beaux rêves, salut. Each day through my window, I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy. To have a girl like her is truly a dream come true. just my imagination running away with me. It was just my imagination running away with me. Oh, soon we'll be married and raise a family. In a cozy little home in the country with two children, maybe three. I tell you, I can visualize it all. This couldn't be a dream, for to real it all seems. Ooh, yeah. But it was just my imagination once again. Just my imagination once again running away with me. Ooh, just my imagination running away with me. I've never met her, but I can't forget her. Et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. Sans ton amour que j'idolâtre, là que fussais-je devenu. Si le bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès, Odette et Mélusine. Et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Pompadour, Noémie, Sarah, Rebecca, la fille du royal tambour et la mogador et Clara. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus. Là que fussais-je devenu, sans toi la nuit, sans toi le jour. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus.